Entraînement ODELF A2, compréhension de l'oral, les clés pour comprendre un dialogue à la radio. Exemple. Bienvenue sur notre émission La Vérité. Le thème d'aujourd'hui, les Français et l'éducation supérieure. Et pour nous en parler, nous avons ici avec nous notre invitée, Angela Vernon, professeure à la Sorbonne. Alors, Madame Vernon, d'après les sondages, de plus en plus de jeunes s'inscrivent à l'université. Oui, en effet. Les inscriptions ont fortement augmenté ces dernières années et le monde de l'éducation universitaire a de plus en plus de poids. Et à quoi est due cette nouvelle tendance des jeunes Français ?